elles sont les mêmes. Des jardins, des édens, des paradis sordides. Toutes les nuits sont les mêmes. À la vie, à la reine d'une fille trop candide. Toutes les nuits sont les mêmes. Car j'avoue que je saigne sur le trottoir humide. Toutes les nuits sont des stars pour la fille d'un soir retrouvée à la ville. Thank you.